Chapitre 9. L'accumulation du capital. Si nous observons la formule du capital, nous comprenons facilement que la conservation de celui-ci repose entièrement sur sa reproduction successive et continuelle. En effet, le capital se divise, comme nous le savons déjà, en capital constant et en capital variable. Voir chapitre 7. Le capital constant, représenté par les moyens de travail et les matières premières, subit une usure continuelle par l'effet même du travail. Les outils s'usent, les machines s'usent, ainsi que le charbon, le suif, etc., dont les machines ont besoin. Enfin, le bâtiment et la fabrique s'usent, les matières premières sont absorbées. Mais en même temps que le travail use de la sorte le capital constant, il reproduit dans les mêmes proportions dans lesquelles il le consomme. Le capital constant se trouve reproduit dans la marchandise, dans la proportion en laquelle il a été consommé durant la fabrication de celle-ci. La portion de valeur consommée des moyens de travail et des matières premières est toujours exactement reproduite dans la valeur des marchandises, comme nous l'avons déjà vu. Si donc le capital constant est partiellement reproduit dans chaque marchandise, il est clair que, dans la valeur d'un nombre donné de marchandises produites, on retrouve tout le capital constant consommé par leur fabrication. Il en est du capital variable comme du capital constant. Le capital variable, celui qui est représenté par la valeur de la force de travail, c'est-à-dire par le salaire, se reproduit exactement, lui aussi, dans la valeur de la marchandise. Nous l'avons déjà vu. L'ouvrier, dans la première partie de son travail, reproduit son salaire et dans la seconde partie, il produit de la plus-value. Comme le salaire n'est payé à l'ouvrier que lorsqu'il a fini son travail, il se trouve qu'il ne touche son salaire qu'après en avoir déjà reproduit la valeur dans la marchandise du capitaliste. L'ensemble des salaires payés aux travailleurs est donc reproduit incessamment par eux. Cette incessante reproduction du fonds des salaires perpétue la sujétion du travailleur envers le capitaliste. Quand le prolétaire est venu sur le marché pour y vendre sa force de travail, il a pris la place que lui assigne le mode de production capitaliste, en contribuant à la production sociale pour la part qui lui est afférente et en recevant pour son entretien du fonds des salaires une fraction du capital variable qu'il devra tout d'abord reproduire par son travail. C'est toujours la chaîne éternelle qui maintient la sujétion humaine, que ce soit sous la forme de l'esclavage, sous celle du servage ou celle du salariat. L'observateur superficiel croit que l'esclave travaille pour rien. Il ne réfléchit pas que l'esclave doit avant tout dédommager son maître de tout ce que celui-ci dépense pour l'entretenir. Et on observera que l'entretien assuré à l'esclave est parfois bien supérieur à celui dont le salarié est forcé de se contenter. Parce que le maître de l'esclave est hautement intéressé à la conservation de celui-ci, comme à celle d'une partie de son capital. Le cerf qui, ainsi que la terre à laquelle il est attaché, appartient à son seigneur, est, pour l'observateur superficiel, un être dont la condition est en progrès sur celle de l'esclave, parce qu'on voit clairement que le cerf ne donne à son maître qu'une partie de son travail, tandis qu'il emploie l'autre partie à extraire du peu de terre qui lui a assigné ses moyens de subsistance. Et le salariat, à son tour, apparaît à l'observateur superficiel comme un état de beaucoup supérieur au servage parce que le travailleur semble, dans cet état, parfaitement libre et qu'il a l'air de recevoir la valeur du travail exécuté par lui. Étrange illusion! Si le travailleur pouvait effectivement réaliser pour lui-même la valeur de son travail, alors le mode de production capitaliste ne pourrait plus exister. Nous l'avons déjà vu. Le travailleur ne peut rien obtenir d'autre que la valeur de sa force de travail, seule chose qu'il puisse vendre, parce que c'est le seul bien qu'il possède au monde. Le produit du travail appartient au capitaliste, lequel paie au prolétaire le salaire, c'est-à-dire son entretien. De la même façon, le morceau de terre laissé au cerf par son seigneur, ainsi que le temps et les instruments nécessaires pour le cultiver, représentent la somme des moyens que le cerf a pour vivre, pendant qu'il doit travailler tout le reste du temps pour son seigneur. L'esclave, le cerf et l'ouvrier travaillent tous trois en partie pour produire ce qui est nécessaire à leur entretien, et en partie pour le profit de leur maître. Ils représentent trois formes diverses de la même chaîne de sujétion et d'exploitation humaine. C'est toujours l'assujettissement de l'homme dépourvu de toute accumulation antérieure, c'est-à-dire les moyens de produire, qui sont les moyens de vivre, à l'homme qui possède une accumulation ancienne, les moyens de production, source de vie. La conservation du capital, c'est-à-dire sa reproduction, est précisément dans le mode de production capitaliste, la conservation de cette chaîne de sujétion et d'exploitation humaine. Mais le travail ne reproduit pas seulement le capital, il produit en outre de la plus-value qui forme ce qu'on appelle la rente du capital. Si le capitaliste reporte chaque année tout ou partie de sa rente sur son capital, nous aurons une accumulation de capital. Le capital ira en s'accroissant. Par la reproduction simple, le travail conserve le capital. Par l'accumulation de la plus-value, le travail grossit le capital. Quand la rente s'ajoute au capital, cette rente se trouve employée partie en moyens de travail, partie en matières premières et partie en force de travail. C'est le surtravail passé, le travail passé non payé, qui grossit le capital. Une partie du travail non payé de l'année écoulée paye le travail nécessaire de l'année présente. Voilà ce que réussit à faire le capitaliste grâce à l'ingénieux mécanisme de la production moderne. Une fois admis le système de production moderne, entièrement fondé sur la propriété individuelle et sur le salariat, on ne peut rien trouver à redire aux conséquences qui en dérivent, dont l'une est l'accumulation capitaliste. Qu'importe à l'ouvrier Antoine que les 3 francs qui servent à payer son salaire représentent le travail non payé de l'ouvrier Pierre. Ce qu'il a le droit de savoir, c'est si les 3 francs sont le juste prix de sa force de travail, c'est-à-dire s'ils sont l'exact équivalent des choses qui lui sont nécessaires pour un jour, si la loi des échanges en un mot a été rigoureusement observée. Quand le capitaliste commence à accumuler capital sur capital, une nouvelle vertu qui lui appartient en propre se développe en lui. La vertu qu'on appelle l'abstinence, qui consiste à limiter le plus possible ses dépenses afin d'employer la plus grande partie de sa rente pour l'accumulation. La volonté du capitaliste et sa conscience ne réfléchissant que les besoins du capital qu'il représente, il ne saurait voir dans sa consommation personnelle qu'une sorte de vol, l'emprunt tout au moins, fait à l'accumulation. Et, en effet, la tenue des livres de compte, en partie double, fait figurer les dépenses privées au passif comme somme due par le capitaliste au capital. L'accumulation, c'est la conquête du monde de la richesse sociale. En augmentant le nombre de ses sujets, elle étend la domination directe et indirecte du capitaliste, que pousse une ambition insatiable. Luther montre très bien, par l'exemple de l'usurier, cette forme ancienne du capitaliste, mais que l'on rencontre encore à l'état sporadique, que le désir de domination est un élément de la passion de s'enrichir. Les païens guidés par la simple raison ont pu qualifier l'usurier de quadruple larron et meurtrier. Mais nous, chrétiens, nous le tenons en tel honneur que nous l'adorons presque à cause de son argent. Celui qui dérobe, vole et dévore la nourriture d'autrui accomplit un meurtre tout aussi grand, autant qu'il en soit en son pouvoir, que celui qui le fait mourir de faim et l'extermine. Or c'est là ce que fait un usurier, et pourtant il demeure assis en sûreté sur sa chaise, tandis qu'en bonne justice il devrait être pendu au gibet et dévoré par autant de corbeaux qu'il a volé d'écus. À supposer qu'il eût assez de chair pour que tant de corbeaux puissent en avoir chacun un morceau. Les petits voleurs sont mis au fer, les grands voleurs vont se prélassant dans l'or et la soie. Il n'y a pas sur terre de plus grand ennemi des hommes, après le diable, qu'un avare et un usurier, car il veut être Dieu sur tous les hommes. Les Turcs, les gens de guerre, les tyrans sont aussi une méchante engeance, mais il faut pourtant qu'ils laissent vivre les gens, et ils confessent qu'ils sont des méchants et des ennemis. Ils peuvent même avoir parfois pitié de quelques personnes. Mais un usurier, un avaricieux, voudrait que tout le monde soit accablé de faim et de soif, de chagrin et de misère, pour tout posséder à lui tout seul, et pour que chacun ne reçût rien que de lui, comme d'un dieu, et fût son serf à perpétuité. Il porte un manteau, des chaînes d'or, des bagues, se fait passer pour un homme pieux et honnête. L'usurier est un monstre affreux, pire qu'un ogre dévorant. Et si on roue et on décapite les voleurs de grands chemins et les meurtriers, combien plus ne devrait-on pas chasser, maudire, rouer et décapiter tous les usuriers? L'accumulation capitaliste réclame une augmentation de bras. Il faut que le nombre des travailleurs s'accroisse pour qu'une partie de la rente puisse être convertie en capital variable. L'organisme même de la reproduction capitaliste fait en sorte que le travailleur puisse conserver sa force de travail au moyen de la nouvelle génération, où le capital la prend pour continuer son œuvre de reproduction incessante. Mais le travail que le capital réclame aujourd'hui est supérieur à celui qu'il réclamait hier. Et par conséquent, le prix en devrait naturellement augmenter. Et les salaires augmenteraient en effet si, dans l'accumulation même du capital, il n'y avait pas une raison pour les faire, au contraire, diminuer. La portion de la rente qui s'ajoute annuellement au capital est convertie, nous l'avons vu, partie en capital constant et partie en capital variable, c'est-à-dire partie en moyens de travail et matières premières, et partie en force de travail. Mais il faut considérer que, simultanément, avec l'accumulation du capital, se produisent les perfectionnements des anciens systèmes de production, le nouveau système de production et les machines, toutes choses qui font augmenter la production et diminuer le prix de la force de travail comme nous le savons déjà. À mesure que croît l'accumulation du capital, sa partie variable diminue, tandis que sa partie constante augmente. C'est-à-dire qu'on voit augmenter les bâtiments, les machines et leurs matières auxiliaires et les matières premières du travail, mais qu'en même temps, et à proportion de cette augmentation, avec l'accumulation du capital diminue le besoin de force de travail, le besoin de bras. Le besoin de force de travail diminuant, la demande de cette force diminue, et finalement le prix en diminue aussi. Il en résulte que plus progresse l'accumulation du capital, plus les salaires s'abaissent. L'accumulation du capital prend de vastes proportions au moyen de la concurrence et du crédit. Le crédit porte, spontanément, un grand nombre de capitaux à se fondre ensemble, ou plutôt à se fondre avec un capital plus fort que chacun d'eux en particulier. La concurrence, au contraire, est la guerre que se font tous les capitaux entre eux. C'est leur lutte pour l'existence, de laquelle sortent plus forts encore ceux qui, pour vaincre, avaient dû être déjà les plus forts. L'accumulation du capital rend donc inutile un grand nombre de bras, c'est-à-dire qu'elle crée un excédent relatif, non absolu, de population parmi les travailleurs. Marx dit au sujet de cet excédent relatif de la population ouvrière, la loi de la décroissance proportionnelle du capital variable et de la diminution correspondante de la demande de travail a pour résultat la production d'une surpopulation relative. Nous l'appelons relative parce qu'elle provient non d'un accroissement positif et absolu de la population ouvrière, mais de ce que, par rapport aux besoins du capital, une partie de la population ouvrière est devenue superflue, inutilisable et constitue par conséquent un excédent relatif. Et tandis que le progrès de l'accumulation de la richesse sur la base capitaliste produit nécessairement une surpopulation ouvrière relative, celle-ci devient à son tour le levier le plus puissant de l'accumulation, une condition d'existence de la production capitaliste dans son état de développement intégral. Elle forme une armée industrielle de réserve qui appartient au capital d'une manière aussi absolue que si l'on l'avait élevée et disciplinée à ses propres frais. Elle fournit la matière humaine toujours exploitable et disponible pour la fabrication de la plus-value. C'est seulement sous le régime de la grande industrie que la production d'un superflu de population ouvrière devient un ressort régulier de la production des richesses. Cette armée industrielle de réserve, cette surpopulation ouvrière, revêt d'une manière générale trois formes qu'on peut appeler la forme flottante, la forme latente et la forme stagnante. La première forme est mieux payée. Elle souffre moins que les autres du manque de travail tout en faisant un travail moins pénible. La dernière forme, au contraire, est composée de travailleurs qui sont occupés plus rarement que les autres et toujours à un travail plus fatigant et répugnant, qui leur est payé au plus bas prix que puisse être rétribué le travail humain. Cette dernière forme est la plus nombreuse, non seulement à cause du gros contingent que lui envoie chaque année le progrès industriel, mais surtout parce qu'elle est composée de gens plus prolifiques, comme le fait même le démontre. Adam Smith dit « La pauvreté semble favorable à la génération. C'est même là une disposition particulièrement sage de la Providence. » Selon le galant et spirituel abbé Galiani, « Dieu fait que les hommes qui exercent les métiers de première utilité naissent abondamment. » Lane démontre, par la statistique, que les misères poussées, même au point où elles engendrent la famine et les épidémies, tendent à augmenter la population au lieu d'en arrêter le développement. Au-dessous de ces trois formes, il ne reste que le dernier résidu de la surpopulation relative qui habite l'enfer du paupérisme. Abstraction faite des vagabonds, des criminels, des prostituées, des mendiants et de tout ce monde qui constitue proprement parlé le prolétariat des gueux, das Lumpenproletariat. Cette couche sociale se compose de trois catégories. La première comprend des ouvriers capables de travailler. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les statistiques du paupérisme anglais pour voir que sa masse s'enfle à chaque crise et diminue à chaque reprise des affaires. La seconde catégorie comprend les orphelins et les enfants d'indigents assistés. Ce sont des candidats à l'armée industrielle de réserve qui, aux époques de grande prospérité, sont enrôlés promptement et en masse dans l'armée active. La troisième catégorie comprend les déchus, les dégradés, les gens incapables de tout travail. Ce sont d'une part ceux que la division du travail a privés de l'occupation qui les faisait vivre, puis ceux dont l'âge a dépassé la limite normale de la vie de l'ouvrier. Enfin, les victimes de l'industrie dont le nombre va croissant, avec celui des machines dangereuses, des exploitations minières, des fabriques de produits chimiques, etc., estropiés, malades, veuves, etc. Le paupérisme est l'autel des invalides de l'armée active du travail et le poids mort de l'armée industrielle de réserve. Il est produit par la cause qui engendre la surpopulation relative. Sa nécessité résulte de la nécessité de celle-ci. Il forme, comme elle, une condition d'existence de la production capitaliste et du développement de la richesse. On comprend donc toute la sottise de la sagesse économiste, qui prêche aux ouvriers d'accommoder leur nombre aux besoins du capital. C'est le mécanisme même de la production et de l'accumulation capitaliste qui accommode constamment ce nombre à ses besoins. Le premier mot de cette accommodation, c'est la création d'une surpopulation relative ou armée industrielle de réserve. Son dernier mot, c'est la misère de couches toujours plus croissantes de l'armée active du travail. C'est le point mort du paupérisme. La loi en vertu de laquelle le développement de la force productive sociale du travail fait diminuer progressivement la dépense de force de travail en raison de l'efficacité accrue et de la masse augmentée des moyens de production, cette loi qui met l'homme social en état de produire davantage avec moins de travail aboutit en régime capitaliste, où ce ne sont pas les moyens de production qui sont au service du travailleur, mais bien le travailleur qui se trouve au service du moyen de production, à cette conséquence toute contraire que, plus les moyens de production gagnent en ressources et en puissance, plus le nombre des ouvriers sans emploi augmente et plus devient précaire, par conséquent, la condition d'existence du salarié, la vente de sa force de travail. L'analyse de la production de la plus-value relative a montré que toutes les méthodes pour accroître la force productive du travail se développent en régime capitaliste aux dépens du travailleur individuel. que tous les moyens pour augmenter la production se transforment en moyens d'asservissement et d'exploitation du producteur, qu'il mutile l'ouvrier en faisant de lui un homme fragmentaire, le dégrade à la qualité de simple appendice de la machine, qu'il enlève au travail son contenu et en font une souffrance, qu'il isole l'ouvrier des puissances intellectuelles de la production. La science devenant à son égard une puissance étrangère et hostile, qu'il rende de plus en plus anormales les conditions dans lesquelles il doit travailler, qu'il le soumette durant le travail à un despotisme aussi mesquin que haïssable, qu'ils allongent pour lui la durée de travail au point de ne plus lui laisser le temps de vivre, qu'il jette sa femme et ses enfants sous les roues du char Juggernaut, du dieu capital. Le moine vénitien Géortès, un des principaux économistes du XVIIIe siècle, voit dans l'antagonisme inhérent à la production capitaliste une loi générale naturelle réglant la richesse sociale. Il dit « Au lieu de projeter des systèmes inutiles pour le bonheur des peuples, je me bornerai à rechercher la raison de leur malheur. » Dans une nation, le bien et le mal économique se font toujours équilibre. L'abondance de biens chez les uns est toujours égale au manque de ces biens chez les autres. La grande richesse d'un petit nombre est toujours accompagnée de la privation du nécessaire chez un beaucoup plus grand nombre. La richesse d'une nation, ajoute-t-il, correspond à sa population, et sa misère correspond à sa richesse. Le travail chez les uns produit l'oisiveté chez les autres. Les pauvres et les oisifs sont les fruits nécessaires de l'existence des riches et des laborieux. 10 ans après Orthès, un ecclésiastique protestant de la haute église, Townsend, glorifiait brutalement la pauvreté comme la condition nécessaire de la richesse. Une obligation légale du travail entraînerait trop de peine, de violence et de bruit, tandis que la faim non seulement exerce une pression paisible, silencieuse et continue, mais encore, comme mobile naturel de l'industrie et du travail, suscite le plus puissant effort. Il ne s'agit donc que de rendre la faim permanente dans la classe ouvrière et, selon Townsend, le principe de population, qui est particulièrement actif chez les pauvres, s'en charge. Il s'agit de ce qu'on a appelé la loi de Malthus, selon laquelle la population s'accroît plus rapidement que ne peut s'accroître la quantité des substances. Cela paraît être une loi de la nature, que les pauvres aient toujours un certain degré d'imprévoyance, en sorte qu'ils s'en trouvent toujours une quantité suffisante pour l'accomplissement des fonctions les plus répugnantes et les plus abjectes de la communauté. Le fond du bonheur humain est par là considérablement augmenté. Les plus délicats sont affranchis de ces corvées et peuvent vaquer sans trouble à des occupations plus relevées. Les lois des pauvres, qui ont pour objet de remédier au paupérisme au moyen de taxes des pauvres et des maisons de travail, tentent à détruire l'harmonie et la beauté, la symétrie et l'ordre de ce système que Dieu et la nature ont établi dans le monde. Si le moine vénitien trouvait dans la fatalité économique de la misère la raison d'être de la charité chrétienne, du célibat, du couvent, etc., le révérend anglais y trouve au contraire un prétexte pour condamner les secours accordés aux pauvres. Storch dit « Le progrès de la richesse sociale enfante cette classe utile de la société qui se livre aux occupations les plus ennuyeuses, les plus basses, les plus rebutantes, qui prend en un mot sur ses épaules tout ce que la vie a de désagréable et d'avilissant, et qui procure par là aux autres classes le loisir, les joies de l'esprit et de la dignité conventionnelle du caractère. » Puis après s'être demandé quel avantage cette civilisation capitaliste, avec la misère et la dégradation qu'elle impose aux masses, offre sur la barbarie, on n'en trouve à mentionner qu'une seule. La sécurité. Enfin, Destutt de Tracy dit tout simplement « Les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise, et les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre. » Voyons maintenant, par le fait, quels sont les effets de l'accumulation du capital. Ici comme plus haut, tous les exemples sont pris de l'Angleterre, le pays par excellence de l'accumulation capitaliste, vers laquelle, il faut le répéter, on ne doit jamais l'oublier, tant toutes les nations modernes. Nous regrettons de ne pouvoir reproduire qu'une petite partie des nombreux matériaux recueillis par Marx. En 1863, le Conseil privé ordonna qu'une enquête serait faite, sous la direction de son médecin officiel, le Dr Simon, sur la détresse de la partie la plus mal nourrie de la classe ouvrière anglaise. Il fut convenu qu'on prendrait pour règle, dans cette enquête, de choisir dans chaque catégorie les familles les plus saines et relativement les mieux situées. Et le résultat général auquel on arriva fut celui-ci. Chez les ouvriers urbains sur lesquels a porté l'enquête, dans une classe seulement, la consommation d'azote dépassait, et de fort peu, le minimum absolu au-dessous duquel se produisent les maladies causées par l'inanition. Dans deux classes, il y avait déficit, et dans l'une de celles-ci, déficit très considérable, tant en nourriture azotée qu'en nourriture carbonée. Chez les ouvriers agricoles, plus d'un cinquième recevait moins que la ration indispensable de nourriture carbonée. Plus d'un tiers recevait moins que la ration indispensable de nourriture azotée. Enfin, dans trois comtés, Berkshire, Oxfordshire et Somersetshire, le minimum de nourriture azotée n'était nulle part atteint. Parmi les travailleurs de l'agriculture, ceux qui étaient le plus mal nourris étaient ceux de l'Angleterre, qui est pourtant la partie la plus riche du Royaume-Uni. Dans la population agricole, l'insuffisance alimentaire avait été constatée surtout chez les femmes et les enfants, car il faut que l'homme mange pour pouvoir faire son ouvrage. Une pénurie bien plus grande encore exerçait ses ravages dans certaines catégories d'ouvriers urbains. Ils sont si mal nourris que les cas de privation cruelle et ruineuse pour la santé doivent être nécessairement nombreux. Dans son rapport général, le docteur Simon s'exprime ainsi. Quiconque est habitué à traiter des malades pauvres ou ceux des hôpitaux pourra rendre témoignage que les cas où le manque de nourriture produit des maladies ou les aggrave sont innombrables. Au point de vue sanitaire, d'autres circonstances décisives viennent s'ajouter ici. Il faut rappeler que toute réduction sur la nourriture n'est supportée qu'à contre-cœur et qu'en général, la diète forcée n'est acceptée qu'après qu'on s'est imposé au préalable bien d'autres privations de toute nature. Bien avant que l'insuffisance d'alimentation ne vienne à peser dans la balance hygiénique, bien avant que le physiologiste ne songe à compter les doses d'azote et de carbone entre lesquelles oscille la vie et la mort par inanition, tout autre confort matériel a déjà disparu du foyer domestique. Le vêtement et le chauffage auront été réduits bien plus encore que l'alimentation. Plus de protection suffisante contre les rigueurs de la température, rétrécissement du logis d'habitation, à un degré où il engendre des maladies ou les aggrave, à peine une trace de meubles ou d'ustensiles de ménage. La propreté même est devenue trop coûteuse ou difficile. Si par respect de soi-même, on fait encore quelques efforts pour l'entretenir, chacun de ces efforts représente une aggravation de la faim. On habitera là où les loyers sont les plus bas, dans les quartiers où l'action de la police sanitaire est nulle, où il y a le plus de cloaques infectes, le moins de circulation, le plus d'immondices en pleine rue, le moins d'eau ou l'eau la plus mauvaise, et, si c'est dans la ville, le moins d'air et le moins de lumière. Tels sont les dangers auxquels la pauvreté est exposée inévitablement quand cette pauvreté implique le manque de nourriture. Si la somme de ces maux pèse d'un poids effrayant sur la vie, le manque de nourriture est à lui seul une chose terrible. Ce sont là des pensées angoissantes, surtout si l'on se souvient que la pauvreté dont il s'agit n'est pas la pauvreté méritée que produit la paresse. C'est la pauvreté des gens qui travaillent. En ce qui concerne les ouvriers urbains, le travail au prix duquel ils obtiennent leur maigre pitance est généralement prolongé au-delà de toute mesure. Et néanmoins, on ne peut dire que dans un sens très relatif qu'ils leur permettent de vivre. Leur travail les achemine par les détours plus ou moins longs vers le paupérisme. Tout observateur impartial voit que plus la concentration des moyens de production s'accroît, plus s'accroît l'agglomération des travailleurs sur un espace restreint. Il en résulte que plus l'accumulation capitaliste est rapide, plus sont misérables les conditions de logement des ouvriers. Chacun voit que les embellissements des villes qui accompagnent l'accroissement de la richesse, démolition des quartiers mal bâtis, construction de palais pour les banques, les entrepôts, etc., élargissent des rues pour la circulation commerciale et les voitures de luxe, introduction de chemins de fer urbains, etc. ont pour résultat de chasser les pauvres dans des recoins de plus en plus insalubres et de plus en plus encombrés. Citons une observation générale du docteur Simon. « Quoique mon point de vue officiel soit exclusivement physique, la plus simple humanité ne permet pas de fermer les yeux sur l'autre côté du mal. Parvenu à un certain degré, il implique presque nécessairement une telle négation de toute délicatesse, une si malpropre promiscuité de corps et de fonctions corporelles, un tel étalage de nudité que l'on se trouve dans le domaine de la bestialité et non plus de l'humanité. Être soumis à ces influences, c'est une gradation qui devient plus profonde à proportion de sa durée. Pour les enfants nés dans ce milieu maudit, c'est un baptême d'infamie. Baptism into infamy. Et c'est se bercer de plus vaines illusions que d'espérer que des personnes placées dans de pareilles conditions puissent aspirer à cette atmosphère de civilisation dont l'essence est la propreté physique et morale. Les nomades du prolétariat se recrutent dans les campagnes, mais leurs occupations sont pour la plupart industrielles. C'est l'infanterie légère du capital, jetée selon les besoins, tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Le travail nomade est employé à diverses opérations de construction, de drainage, à la fabrication de briques, au service des fours à chaud, à celui des chemins de fer, etc. Colonne mobile de la pestilence, elle apporte dans les endroits au voisinage desquels elle assoit son camp, la variole, la fièvre typhoïde, le choléra, la scarlatine, etc. Dans les entreprises qui exigent une avance considérable de capitaux, comme la construction de chemins de fer, etc., l'entrepreneur fournit généralement lui-même à son armée des baraques en planches. Village improvisé, sans aucune précaution de salubrité, en dehors de la surveillance de l'autorité locale, mais source de gros profits pour monsieur l'entrepreneur, qui exploite doublement ses ouvriers, comme soldats de l'industrie et comme locataires. Suivant que la baraque contient une, deux ou trois ouvertures, son habitant doit payer 1, 2 ou 3 shillings par semaine. En septembre 1864, dit le docteur Simon, les faits suivants furent dénoncés au ministre de l'Intérieur par le comité de police sanitaire de la paroisse de Sevenoaks. La variole était encore, un an auparavant, complètement inconnue dans cette paroisse. Peu avant cette date furent commencés des travaux pour la construction d'un chemin de fer de Lewisham à Tunbridge. Dans cette dernière ville, au voisinage de laquelle s'exécutaient les travaux les plus importants, fut installé le dépôt principal de toute l'entreprise. Vu l'impossibilité de loger dans des cottages disponibles tout le nombreux personnel occupé aux travaux, l'entrepreneur fit construire le long des voies des baraques dépourvues de ventilation et de tuyaux de décharge et, de plus, nécessairement encombrées. Chaque locataire devant loger avec lui toute sa famille, si nombreux qu'elle pût être, bien que les baraques n'eussent que deux pièces. Le rapport médical expose que ces pauvres gens, pour éviter les exhalaisons pestilentielles des eaux sales croupissantes et des latrines placées sous leurs fenêtres, étaient obligés de tenir portes et fenêtres hermétiquement closes et de souffrir ainsi la nuit tous les tourments de la suffocation. Un médecin, chargé d'une enquête, qualifia en termes sévères l'état de ces prétendues habitations et déclara que les suites les plus funestes étaient à craindre si des mesures de salubrité n'étaient pas prises immédiatement. L'entrepreneur s'était engagé à préparer une maison pour les personnes qui seraient atteintes de maladies contagieuses, mais il n'a pas tenu sa promesse, quoique plusieurs cas de variole se fussent déclarés dans des baraques dont les conditions étaient décrites comme effroyables. L'hôpital de la paroisse est, depuis un mois, encombré de malades. Dans une seule famille, 5 enfants sont morts de la variole et de la fièvre. Du 1er avril au 1er septembre, il y a eu 10 cas de morts dus à la variole, dont 4 dans les baraques, foyers de contagion. Il n'est pas possible d'indiquer le chiffre exact des cas de maladie parce que les familles où ils se produisent font tout ce qu'elles peuvent pour les cacher. Voyons maintenant les effets des crises sur la partie la mieux payée de la classe ouvrière. Voici ce que raconte le correspondant du journal Le Morning Star qui, en janvier 1867, à l'occasion d'une crise industrielle, visita les principales localités atteintes. Dans la banlieue est de Londres, plus de 15 000 ouvriers se trouvent, avec leurs familles, réduits à la plus extrême misère. Parmi eux sont plus de 3 000 mécaniciens, travailleurs d'élite. J'ai eu beaucoup de peine à arriver jusqu'à la porte du workhouse de Poplar, qu'assiégeait une foule affamée. Elle attendait des bons de pain, mais l'heure de la distribution n'était pas encore arrivée. Dans la cour, tout encombrée de neige, quelques hommes, abrités sous un auvent, étaient occupés à casser des pierres pour macadamiser la route. Chacun d'eux devait en casser 5 boisseaux. Le boisseau équivaut à 36 décimètres cubes environ. Et recevait pour sa journée 3 pence, 30 centimes, et un bon de pain. Dans une autre partie de la cour, on voyait une petite cabane délabrée. En ayant ouvert la porte, nous trouvâmes ce réduit rempli d'hommes serrés les uns contre les autres, épaule contre épaule, pour se réchauffer. Ils enfilaient des câbles de marine en mettant leur point d'honneur à travailler le plus longtemps possible avec un minimum de nourriture. Ce seul workhouse distribuait des secours à 7000 personnes dont beaucoup avaient gagné, il y a 6 ou 7 mois, les salaires les plus élevés qu'on puisse obtenir en ce pays. Leur nombre eût été double s'il n'existait pas tant de gens qui, après avoir mangé toutes leurs économies, renâclent néanmoins devant le secours à la paroisse, tant ils ont encore quelque chose à mettre en gage. En quittant le workhouse, j'entrais dans la maison d'un ouvrier métallurgiste, sans travail depuis 27 semaines. Je le trouvais assis avec toute sa famille dans une chambre de derrière. La chambre n'était pas encore complètement dégarnie de meubles et il y avait du feu. C'était indispensable pour empêcher les pieds nus des enfants de geler, car il faisait un froid terrible. Sur un plat, devant le feu, il y avait une certaine quantité d'étoupe que la femme et les enfants devaient filer en échange de pain reçu du workhouse. L'homme travaillait dans une des cours décrites ci-dessus, pour un bon de pain et 3 pence par jour. Il venait d'arriver pour le repas de midi, ayant grand appétit, comme il nous le dit avec un amer sourire, et son dîner consistait en quelques tranches de pain et du saindoux et une tasse de thé sans lait. La seconde porte à laquelle nous frappâmes nous fut ouverte par une femme d'âge moyen qui, sans mot dire, nous conduisit dans une petite chambre de derrière où toute sa famille était assise, silencieuse, les yeux fixés sur un feu qui achevait de s'éteindre. Ces gens, en leur petite chambre, offraient un tel spectacle d'abandon et de désespoir que je désire ne jamais revoir une scène pareille. « Ils n'ont rien gagné, monsieur, » me dit la mère en montrant les enfants. « Rien depuis 27 semaines, et tout notre argent est parti. Tout l'argent que le père et moi avions mis de côté dans des temps meilleurs, en nous figurant que nous garantissions ainsi la sécurité de l'avenir. Voyez, » cria-t-elle d'un accent presque sauvage, et en même temps elle nous montra un livret de banque où étaient régulièrement inscrites toutes les sommes versées et retirées, de sorte que nous pûmes voir comment le petit pécule avait commencé par un premier dépôt de 5 shillings pour grossir peu à peu jusqu'à 20 livres sterling, 500 francs. Puis, c'était fondu graduellement, de livres sterling en shillings, de shillings en pence, jusqu'à ce que le dernier retrait eût transformé le livret en un simple papier sans valeur. Cette famille recevait chaque jour un maigre repas du workhouse. Dans une autre maison se trouvait une femme malade d'inanition étendue tout habillée sur un matelas et à peine couverte d'un lambeau de tapis car toute la literie était au monde piété. Ces misérables enfants qui la soignaient avaient l'air d'avoir plutôt besoin eux-mêmes de soins maternels. Elle raconta l'histoire de son passé de misère en sanglotant comme si elle avait perdu toute espérance d'un avenir meilleur. Appelée dans une autre maison, j'y trouvais une jeune femme et deux jolis enfants, un paquet de reconnaissance du monde piété et une chambre entièrement nue, voilà tout ce qu'ils arrivaient à me montrer. Il est de mode parmi les capitalistes anglais de peindre la Belgique comme le paradis de l'ouvrier parce que la liberté de travail n'y est gênée ni par le despotisme des trade unions, ni par les lois sur les fabriques. Monsieur Duc Pétiot, inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance belges, nous renseigne à ce sujet dans son ouvrage « Budget économique des classes ouvrières en Belgique, Bruxelles 1855 ». Nous y trouvons un parallèle entre le régime d'une famille ouvrière belge normale et celui d'un soldat, du marin, de l'État et du prisonnier. Toutes les ressources de la famille ouvrière exactement calculées s'élèvent annuellement à 1068 francs. Voici le budget annuel de la famille. Le père, 300 jours à 1,58 francs, 468 francs. La mère, 300 jours à 89 centimes, 267 francs. Le fils, 300 jours à 56 centimes, 168 francs. La fille, 300 jours, à 55 centimes, 163 francs. Total annuel, 1068 francs. La dépense annuelle de la famille et son déficit s'élèverait au chiffre ci-dessous, à supposer que l'ouvrier eût l'alimentation soit du marin, soit du soldat, soit du prisonnier. Premier cas, le marin. Dépense, 1828 francs. Déficit, 760 francs. Deuxième cas, le soldat. Dépense, 1473 francs. Déficit, 405 francs. Troisième cas, le prisonnier. Dépense, 1112 francs. Déficit, 44 francs. Une enquête officielle fut faite en Angleterre en 1863 sur l'alimentation et le travail des condamnés à la transportation et aux travaux forcés. Une comparaison établie entre l'ordinaire des détenus anglais et celui des pauvres du workhouse et travailleurs agricoles a prouvé que les premiers sont beaucoup mieux nourris que l'une et l'autre de ces deux classes de travailleurs et que la somme de travail exigée d'un condamné aux travaux forcés n'est guère que la moitié de celle qu'accomplit en moyenne l'ouvrier agricole. D'un rapport sur la santé publique de 1865, parlant d'une visite faite durant une épidémie chez des paysans, cite entre autres le fait suivant. Une jeune femme malade de la fièvre couchait dans la même chambre que son père. Sa mère, son enfant illégitime, deux jeunes gens, ses frères et ses deux sœurs, chacune avec un enfant bâtard, en tout 10 personnes. Quelques semaines auparavant, 13 enfants couchaient dans cette même pièce. Les modestes proportions de l'abrégé du Capital de Karl Marx ne nous permettent pas de reproduire ici l'exposé détaillé de l'état horrible auquel sont réduits les paysans en Angleterre. Nous terminerons ce chapitre en parlant d'un fléau tout spécial qu'a produit en Angleterre parmi les travailleurs agricoles l'accumulation du capital. L'excès de population agricole a pour effet d'amener la baisse des salaires, sans toutefois que cette population puisse suffire à tous les besoins du capital au moment des travaux exceptionnels et urgents qu'exige l'agriculture à certaines époques de l'année. Il en résulte qu'un grand nombre de femmes et d'enfants sont engagés par le capital pour des besognes momentanées, après l'accomplissement desquels ces gens vont augmenter la surpopulation ouvrière des campagnes. Ce fait a fait naître en Angleterre le système des bandes ambulantes, gang system. Une bande, un gang, se compose de 10 à 40 ou 50 personnes, femmes, adolescents, des deux sexes, toutefois les garçons quittent ordinairement la bande vers l'âge de 13 ans, et enfants des deux sexes de 6 à 13 ans. Le chef de la bande, le gangmaster, est un ouvrier de campagne ordinaire, généralement un mauvais sujet, noceur, ivrogne, mais entreprenant et débrouillard. C'est lui qui recrute la bande, et elle travaille sous ses ordres et non ceux du fermier. Ce chef prend d'ordinaire l'ouvrage à la tâche, et son gain, qui en moyenne ne dépasse guère celui de l'ouvrier ordinaire, dépend presque tout entier de l'habileté avec laquelle il sait, dans le moins de temps possible, tirer de sa bande le plus de travail possible. Les fermiers savent, par expérience, que les femmes ne travaillent bien que sous l'autorité dictatoriale de l'homme, mais que, d'une part, les femmes et les enfants, une fois lancés, se dépensent avec une fougue véritable, ainsi que l'avait remarqué Fourier, tandis que l'ouvrier mal adulte, plus avisé, se ménage le plus qu'il peut. Le gangmaster va d'une ferme à l'autre et occupe sa bande 6 à 8 mois de l'année. Il est en conséquence, pour les familles ouvrières, un client plus avantageux et plus sûr que le fermier isolé qui n'emploie les enfants qu'occasionnellement. Cette circonstance établit si bien son influence dans les villages que, dans beaucoup d'endroits, on ne peut se procurer des enfants sans son intermédiaire. Les vices de ce système sont l'excès de travail imposé aux enfants et aux jeunes filles, les marches énormes qu'il leur faut faire pour se rendre chaque jour à des fermes éloignées de 5, 6 et parfois 7 milles, de 8 à 11 kilomètres, et pour en revenir. Et enfin, la démoralisation du gang. Bien que le chef soit armé d'un long bâton, il ne s'en sert que rarement, et un traitement brutal de sa part était une exception. C'est un empereur démocratique, ou quelque chose comme le meneur de rats de la légende allemande. Il a besoin d'être populaire parmi ses sujets. Il se les attache par les attraits d'une vie de bohème. Glissance désordonnée, joyeux sans gêne, libertinage effronté sont les caractéristiques du gang. Ordinairement, la paye a lieu dans un cabaret, après quoi le chef titubant, s'appuyant de droite et de gauche sur deux robustes commères, prend la tête de la colonne, tandis que derrière lui, enfants et filles, tapageurs, suivent en entonnant des chansons obscènes. Il n'est pas rare de voir des filles de 13 ou 14 ans, grosses du fait de garçons du même âge. Les villages qui fournissent le contingent du gang deviennent des Sodome et Gomorre et présentent la moitié plus de naissances illégitimes que les autres localités du royaume. La bande, dans la forme classique qui vient d'être décrite, s'appelle bande publique, commune ou ambulante, public, common, jumping gang. Il existe aussi des bandes privées, private gangs. Celles-là sont composées comme la bande publique, mais sont moins nombreuses et travaillent sous les ordres non d'un gangmaster, mais d'un vieux valet de ferme que le fermier ne saurait plus comment occuper autrement. Ici, ce n'est plus la joyeuse vie de bohème, mais d'après les dépositions recueillies, les enfants y sont de plus en plus mal payés et maltraités. Ce système qui, dans ces dernières années, s'est constamment étendu, n'existe évidemment pas pour le bon plaisir du chef de bande. Il existe parce qu'il enrichit les gros fermiers et les propriétaires. Le petit fermier n'emploie pas de bande. Elles ne sont pas non plus employées sur les terres pauvres. Un propriétaire, redoutant des mesures répressives qui auraient pu amener une diminution de sa rente, déclara devant la commission d'enquête, avec colère, que tout le tapage fait à ce propos venait seulement du nom donné au système. « Il suffira, dit-il, de remplacer le nom de bande par celui d'association coopérative industrielle agricole de la jeunesse rurale, et personne n'y trouvera à redire. Le travail par bande est meilleur marché que tout autre travail, voilà pourquoi on l'emploie, dit un ancien gangmaster. Le système des bandes est le moins cher pour les fermiers et sans contredit le plus pernicieux pour les enfants, a déclaré un fermier. Il est certain qu'il n'y a pas de méthode plus ingénieuse pour que le fermier puisse maintenir son personnel bien au-dessous du niveau normal, tout en ayant toujours à sa disposition, pour chaque besogne extra, un personnel extra, pour qu'il puisse obtenir la plus forte somme de travail possible avec la moindre dépense possible, et pour que les ouvriers mal adultes soient rendus superflus. Sous prétexte que les travailleurs agricoles font défaut et émigrent vers les villes, et que d'autre part le travail manquerait pour les occuper au champ d'une manière permanente, le système des bandes est déclaré indispensable.